Explication de la prière du Notre Père par saint Thomas d'Aquin, traduite du latin au français par un moine de Fontgombault, publiée aux Nouvelles Éditions Latines en 1978. Quatrième partie, l'explication de la première demande, que votre nom soit sanctifié. Ce commentaire n'est pas de saint Thomas d'Aquin, mais d'Aldobrandini de Toscanelle. Telle est la première demande. Elle nous fait prier le Père Céleste que son nom soit en nous manifesté et par nous proclamé. Or le nom de Dieu est tout d'abord admirable, parce qu'en toute créature il opère des œuvres merveilleuses. C'est pourquoi le Seigneur déclare dans l'Évangile « En mon nom ils expulseront les démons, ils parleront les langues nouvelles, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera aucun mal. » En second lieu, le nom de Dieu est aimable. Il n'est sous le ciel, dit saint Pierre, aucun autre nom parmi ceux qui ont été donnés aux hommes qui puissent nous sauver. Or tous se doivent d'aimer le salut. Et saint Ignace nous offre un exemple de cet amour. Il aima si ardemment le nom du Christ que l'empereur Trajan l'ayant sommé de renier ce nom, il répondit « Vous ne pourrez pas l'ôter de ma bouche. » Le tyran le menaça alors de lui trancher la tête et de retirer de la sorte le Christ de ses lèvres. « Si vous l'enlevez de ma bouche, réplique le bienheureux, vous ne pourrez jamais l'arracher de mon cœur. J'ai en effet son nom gravé sur mon cœur. C'est pourquoi je ne puis pas cesser de l'invoquer. » Trajan entendit ces paroles, et désireux d'en vérifier l'exactitude, il fit trancher la tête du serviteur de Dieu. Puis il ordonna d'extraire son cœur, et sur ce cœur on trouva le nom du Christ gravé en lettres d'or. Le saint, en effet, avait placé ce nom sur son cœur comme un sceau. En troisième lieu, le nom de Dieu est vénérable. L'apôtre affirme en effet aux Philippiens qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre et dans les enfers. Au ciel, c'est-à-dire dans le monde des anges et des bienheureux. Sur la terre, c'est-à-dire chez les hommes vivant ici-bas. Soit qu'ils désirent acquérir la gloire céleste, soit qu'ils craignent un châtiment et veuillent l'éviter. Et dans les enfers, c'est-à-dire dans le monde des damnés, eux qui se prosternent avec effroi devant Jésus-Christ. En quatrième lieu, le nom de Dieu est inexprimable, en ce sens qu'aucune langue n'est capable d'en exprimer toute la richesse. On tente cependant de le faire à l'aide des créatures. Ainsi donne-t-on à Dieu le nom de rocher, en raison de sa fermeté. Et notons que si le Seigneur donna à Simon, futur fondement de l'Église, le nom de Pierre, c'est précisément parce que sa foi en la divinité de Jésus devait le faire participer à sa divine fermeté. On désigne Dieu par le nom de feu, en raison de sa vertu purificatrice. De même, en effet, que le feu purifie les métaux, Dieu purifie le cœur des pécheurs. C'est pourquoi il est dit dans le Deutéronome « Votre Dieu est un feu consumant ». On appelle encore Dieu « lumière », à cause de la faculté qu'il possède d'illuminer. Comme la lumière en effet éclaire les ténèbres, ainsi Dieu illumine les ténèbres de l'esprit. Aussi le psalmiste dans sa prière dit au Seigneur « Mon Dieu, illuminez mes ténèbres ». Nous demandons donc que ce nom de Dieu soit manifesté, qu'il soit connu et tenu pour saint. Et le mot « saint » a trois significations. Saint d'abord veut dire « ferme ». Solide, inébranlable. Ainsi, tous les bienheureux qui habitent le ciel sont appelés saints, parce qu'ils sont par la félicité éternelle rendus inébranlables. En ce sens, il n'y a pas en ce monde de saints. Les hommes, en effet, y sont continuellement mobiles. « Seigneur, disait saint Augustin, je me suis éloigné de vous et j'ai beaucoup erré. Je me suis éloigné de votre stabilité. » Saint, en deuxième lieu, signifie ce qui n'est pas terrestre. C'est pourquoi les saints qui vivent dans le ciel n'ont aucune affection pour les choses terrestres. Je ne vois en tout qu'immondice, disait saint Paul, afin de gagner le Christ. Et par le mot terre, on désigne les pécheurs. Premièrement, parce que la terre fait germer, si on ne la cultive pas, des épines et des chardons, comme il est écrit dans la Genèse. Il en va de même de l'âme du pécheur. Si elle n'est pas cultivée par la grâce, elle ne produit que les charbons et les épines des péchés. En second lieu, la terre désigne les pécheurs à cause de son obscurité naturelle et de son opacité, symbole de l'âme ténébreuse et opaque des pécheurs. Il est dit en effet dans la Genèse, « Les ténèbres couvraient la face de l'abîme ». En troisième lieu, la terre est l'image des pécheurs parce que si elle n'est pas agglutinée par de l'eau, elle se divise, se désagrège, elle se pulvérise et devient sèche. Or le Seigneur a établi la terre sur les eaux. D'après les paroles du psalmiste, Dieu a affermi la terre sur l'eau. Aussi, l'humidité de l'eau remédie à l'aridité et à la sécheresse de la terre. De même, le pécheur privé de la grâce n'a plus qu'une âme sèche et aride. Ainsi que le constatait l'auteur du psaume, « Mon âme, dit-il, est une terre sans eau. » Enfin, troisièmement, « saint » signifie « teint de sang ». Aussi, les saints qui sont dans le ciel sont appelés saints parce qu'ils sont teints de sang. Suivant ces paroles de l'Apocalypse, « Ceux-là qui sont revêtus de robes blanches sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. De ces bienheureux, il est dit également, « Jésus qui nous a aimés, nous a lavés de nos péchés par son sang. » Ainsi prend fin l'explication de la première demande « Que votre nom soit sanctifié » qui compose la quatrième partie de l'explication du Notre Père par saint Thomas d'Aquin.